Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kulten Geek. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Kulten Geek, l'émission 12 de cette saison 4. Cette semaine, pour vous servir, notre spécialiste de l'information, What the Fuck, je parle bien sûr de l'irremplaçable Maïlys. Bonjour Maïlys. Je cherche encore la fin de ce que je dois faire. D'accord, très bien. Bah, écoute, pendant que tu cherches, je présente la dernière personne présente actuellement en studio. C'est notre polyglotte de l'émission. Elle parle 15 langues, dont 3 dont elle ne le sait pas encore qu'elle le parle. C'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. Bonjour Rémi. Il y a beaucoup de compliments aujourd'hui. Ça se voit qu'il n'y a pas les garçons. Exactement. Oui, voilà. Une émission un peu plus tranquille. On est au mois de décembre. C'est la joie, l'avant, bientôt Noël. Et à la prochaine émission, je vous démonte. On est parti. Top départ de l'heure au programme. Le What the Fuck de Maïlys, l'instant nippon, le top ou flop, le que c'est bien sûr, les coups de cœur du web de l'équipe, les Kulten Geek Awards, qu'est-ce que c'est? Mais je vous explique ça tout à l'heure, restez tranquille. Il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite, on commence comme d'habitude, l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans l'émission 12 de cette saison 4 de Kulten Geek, ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine sur Twitter, ce jeudi, la sortie de la nouvelle bande-annonce de Mulan a fait réagir, et c'est peu de le dire. De l'avis général, je cite « Putain, c'est trop bien ce film !» Nous vous rappelons qu'il est attendu pour mars 2020. Sur Facebook, désormais, les badges fans incontournables sont distribués à tout le monde. Si vous ignorez la fonctionnalité de ces badges de fans, et bien sur certaines pages, voici une explication, ça sert à rien. Sur Twitter encore, le réseau social est devenu fou avec une seule musique, bim bam, boum, avec l'extrait passé dans une vidéo TikTok de Juju FitCat. Autant vous dire que désormais, ça fait... Voilà, ne me remerciez pas si vous l'avez dans la tête. Et enfin, sachez que le réseau social MySpace existe toujours et qu'aujourd'hui, vous avez accès à des tonnes de vidéos de 3 personnes différentes. Si vous cherchez à vous reposer sur un réseau social, c'est bien celui-ci qu'il vous faudra choisir. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine bien sûr avec ce proverbe « Kiri, le dernier, pense le moins vite ». Kulten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas ? Le vrai ou faux dans Kulten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission et je vous explique les règles bien sûr si vous venez de découvrir. Bienvenue à tous d'ailleurs, tous ceux qui sont arrivés sur le Twitch de Kulten Geek, puisque je vous le rappelle, nous enregistrons chaque samedi matin entre 11h30 et midi et demi, normalement en direct sur Twitch. Le vrai ou faux, les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Oui, pour Maïlys, et Renata ne va pas répondre juste pour me faire chier. Non, mais oui, je suis prête, bien sûr que oui. Vrai ou faux, j'ai pas expliqué les règles, tiens, d'ailleurs. Voilà, j'ai des affirmations, vous devez me répondre si c'est vrai ou si c'est faux. On commence tout de suite. Vrai ou faux, au Québec, la couleur Bordeaux se dit Bourdou. Non. Tu sais plus quoi faire, hein. Vrai ou faux. Tu commences maintenant à des trucs de français. Ouais, faux. Faux pour Renata et vrai pour Maïlys. Bah non. Non, tu as dit. Elle a dit non. Oui. Elle n'avait pas répondu vrai faux, elle a dit non. Ça veut dire non en général. Excuse-moi, il n'y a pas trop d'ambiguïté. J'ai transformé ton faux en vrai. Eh bien, effectivement, ça ne se dit pas Bourdou, ça se dit Bourgogne, région historique de Bordeaux. Et comme les Anglais qui disent Burgundy, qui signifie la Bourgogne, tout simplement. Voilà, sachez-le. Vrai ou faux, les premières variétés de carottes apparues en Asie étaient violettes. Oh, c'est des radis. Peut-être qu'ils ont cru que c'était des carottes. Tu crois? Ouais, je vais dire vrai, tiens. Tu dis vrai. Ouais. Maïlys? Ce serait drôle. Attends, je sais même pas si ça existe, des carottes violettes. Ouais, voilà, c'est ça la question. Après, franchement, j'ai déjà vu tellement de trucs. On parle de la première variété de carottes de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. En Asie. En Asie. Attention, en Asie. À moins que ce soit des radis, à ce moment-là, c'est pas des carottes, mais sinon, non. Donc faux pour Maïlys, vrai pour Renata. Ouais. Eh bien, en fait, c'est vrai, effectivement, c'est apparu au 5e siècle. Les premières variétés de carotin nazi étaient violettes et pas oranges. Voilà, sachez-le. Après, il y a plein de, si tu regardes bien, il y a plein de petites espèces, genre super pas connues, genre des navets blancs, des betteraves qui sont blanches aussi, enfin des trucs comme ça. Enfin, tu pour l'instant, dis, je connais, ça va. Non, mais je veux dire des mais des carottes légumes, violettes, carottes blanches, oui, oranges, oui, presque rouges, oui, mais sinon. Alors, les carottes violettes, c'est vrai qu'en général, c'est rare. Après, ça se trouve, ça n'existe plus. Hein. Enfin, c'était juste un truc à l'époque, hein, tu sais, comme ça évolue. Peut-être, elles ont évolué, elles sont transformées orange. Pourquoi, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de ce peuple? Reportage sur France 3 demain. Vrai ou faux, la pâte à modeler fut inventée par erreur alors qu'on essayait de créer un nouveau plastique? Oui. Vrai. Vrai pour toutes les deux. Eh bien, c'est faux, puisqu'elle a été inventée à la base pour nettoyer le papier peint des traces de suie dues au chauffage à charbon. Ce n'était donc pas accidentel. Vrai ou faux, le nom des premiers... Je savais pas qu'il y avait sur de... d'utilité pâte à modeler. Maintenant, ça sert plus à rien, mais c'était utile. Vrai ou faux, le nom des premiers ordinateurs d'Apple, Macintosh, vient d'un jeu de mots anglais-français. Ouais, ok, si tu veux. Je vais dire faux pour le coup. Eh bien, c'est faux. Ça vient d'une variété de pommes, voilà, qui s'appelle le Macintosh. Mais je trouvais ça marrant de Mac in poche, tu vois, c'est... Voilà, c'était marrant. Vrai ou faux, des réseaux sociaux maintenant. La semaine dernière, je vous ai posé cette question. En 1989, un prisonnier... non, c'est cette semaine, ça. Donc, je reprends. Cette semaine, je vous pose cette question. En 1989, un prisonnier américain s'est électrocuté en tentant de réparer sa télé alors qu'il était assis sur ses toilettes en métal. Toilette. En métal. En inox. En métal, non. Genre en fer. Ouais, par exemple. N'importe quoi. Non, il était pas assis sur tes toilettes. Sur les toilettes. Donc c'est faux pour toi? Ouais. Très bien. Et Renata? Moi j'ai dit vrai tout à l'heure. J'ai dit vrai. Eh bien la réponse, la semaine prochaine, bien sûr, vous pourrez voter sur nos réseaux sociaux. Et enfin, le vrai ou faux de la semaine dernière maintenant, on y arrive. Il existe quelque part dans le monde un distributeur automatique de voitures de luxe. Moi j'avais répondu vrai. Je voulais que ce soit vrai, je trouvais ça drôle. Je trouve ça innovant. Maïlys, tu avais dit quoi? Elle avait dit faux, je crois. Que c'était bizarre, parce que quand tu vas pas mettre tes pièces dans le distributeur et attendre que ta voiture elle sorte. Après, pourquoi tu pourrais pas payer avec ta carte bleue déjà? Comme un Kinder Surprise. Bah même avec la carte bleue, c'est bizarre que t'as les voitures qui sortent comme ça. Je sais pas. T'imagines à ta pause de midi, tu vas où? Ah, je vais chercher ma voiture au distributeur. T'avais fait exactement la même blague la semaine dernière, hein, je crois. Bah c'est possible. Tu sais, l'écologie c'est important. Ou alors c'est G-Wolf, je m'en rappelle plus. Oh, ça parce que j'ai l'impression que t'avais même utilisé genre je vais aller chercher ma Bentley ou un truc comme ça. Donc c'est possible que ce soit. Peut-être. Ouais, bref. Alors, allez, la réponse. On passe à la réponse. C'est vrai. Il existe, c'est à Singapour. Les voitures y sont stockées sur un immeuble de 15 étages. Et on peut en avoir une comme un Kinder au distributeur. Tu mets ta carte bleue et t'as la voiture à sort. Exactement. J'étais sûre. T'as choisi tes options et tout. Mais c'est quoi ça? Mais je pense que tu peux pas choisir les options. Genre, tu prends une toute équipée et puis point barre. Je pense que le principe est là. Parce que c'est une voiture de luxe. Donc, toutes les options y sont de base. Donc, t'arrives, tu mets une voiture, tu choisis le nombre et puis tu mets ta carte et tout. Voilà, ça, j'imagine. Enfin, après, j'y suis pas allé, donc je peux pas te dire, mais en tout cas, c'est un distributeur de voitures de luxe. Voilà, tu y vas. De toute façon, c'est mieux Tesla. Voilà. Non, mais. je mettrai plus d'informations sur notre Instagram. Merci beaucoup, Renata. Et en attendant d'avoir plus d'informations et que vous votiez vous aussi sur les réseaux sociaux pour la question du vrai ou faux de cette semaine, on passe tout de suite au Cult & Geek Awards. Certains disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle ! D'autres que Stargate dépasse Star Wars. Non ! On va les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult & Geek, c'est la polémique de l'équipe. Pas de polémique, pas d'interview, mais les Cult & Geek Awards. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, vous allez me dire, et c'est normal. Je vais vous répondre tout simplement qu'aujourd'hui, eh bien, comme tout le monde lance à peu près ses awards, Game One a lancé les awards des jeux vidéo, il y a les Game Awards dans quelques jours maintenant, il y a plein, voilà, c'est un moment des cérémonies, tout le monde s'amuse à remettre des trophées, etc. Alors nous aussi, on s'est dit, tiens, et si on s'amusait à faire des Cult & Geek Awards? Chose que personne n'en a rien à foutre, mais nous, ça nous fait plaisir. Donc, je vous propose que chacun donne son top 3. On va d'abord faire la catégorie jeux vidéo cette semaine. Et la semaine prochaine, on fera la catégorie film, série. Comme ça, au moins, tout y passe. Alors, très bien, très bien. On chacun présente son top 3 et pourquoi son top 3, pourquoi il est comme ça, pourquoi il y a tel jeu et pourquoi pas un tel. Et ensuite, vous pourrez voter sur nos réseaux sociaux pour élire le jeu, l'Awards du meilleur jeu de Cult & Geek. Voilà. Et on ira remettre directement au studio de développement le trophée. C'est-à-dire, c'est on enverra ça, ouais, un mail. Grenata, on commence avec toi. Quel est ton top 3 ? Alors, ça a été très très compliqué. J'ai passé des heures à regarder des trailers, à regarder des vidéos, des gameplays et tout pour être sûr que je choisissais bien mes jeux. Et je dirais que numéro 1, et ça c'est pas une surprise, Death Stranding. Ah ça alors. Voilà, personne n'est surpris. Numéro 2, Plague Tale, Innocence. Du coup, voilà. Et le 3, Ancestors, Humankind Odyssey. Voilà. Très bien. Avant d'expliquer pourquoi, je vais présenter mon top 3 avant que Maëlys ne le fasse. Mon top 3, eh bien, il est presque pareil. En troisième, presque, hein, j'ai dit. En troisième position, j'ai mis Star Wars Jedi Fallen Order. Pourquoi ? Parce qu'il fallait au moins un jeu Star Wars dans cette sélection. Et ça... tu savais que nous, on n'en choisirait pas. Exactement. Donc, il est en troisième position pour moi. En deuxième place, j'ai mis Total War Three Kingdoms, qui est quand même un bon jeu de stratégie, mais je reviendrai pourquoi je l'ai mis dans ce top 3. Et en première place, j'ai mis A Plague Tale Innocence, effectivement, qui a été marquant cette année. Maëlys, quel est ton top 3 à toi ? Oui. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Luigi's, je crois, Mansion. Oui, 3. Skullboy et Roland. Très bien. Ah bah écoute, avant que tu nous décrives les deux jeux dont j'ai ignoré visiblement la sortie. Ah moi je... Ah c'est bien moi aussi. Je les connais pas en fait. Je les ai pris au hasard. Mais pourquoi tu les cites ? Mais parce que j'ai pas eu le temps. J'ai eu les examens et tout en même temps. J'ai pas eu le temps. Bon, du coup, elle a ouvert une page de vidéo. Elle a sorti les trois titres. Alors, qui étaient dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu ça sur Switch. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ? The Witcher, Mass Effect et Totoro. Voilà. C'est pas des jeux ça. Il n'y a pas de top. Renata, donc ton top 3, pourquoi cet ordre-là ? Pourquoi Death Stranding ? Pourquoi Plague Tale Innocence ? Et pourquoi Ancestors ? Alors, s'il te plaît, dis-nous tout. Déjà, je suis, contrairement à la plupart des gens, pas vraiment dans le mood Noël, paillettes et tout, tu vois. Genre, je suis pas dans le mode nié-nié, entre guillemets, pour l'instant. Alors, fais gaffe à ce que tu dis, parce qu'à côté de toi, il y a quand même une fille. Je me rappelle qu'elle a parlé de paillettes la semaine dernière. Je ne critique pas, c'est très bien d'avoir l'esprit de Noël. Moi, pour l'instant, j'y suis pas, parce que j'ai pas l'impression d'être que ce soit bientôt Noël. Du coup, voilà, je suis dans un autre mood complètement. Et en ce moment, j'ai particulièrement aimé tout ce qui est profond et richesse scénaristique, donc ça m'a toujours plu, mais là tout particulièrement. Et je regarde beaucoup de vidéos historiques aussi en ce moment, donc voilà, c'est pour les deux derniers, c'est surtout pour ça que j'ai choisi, parce que non seulement tu joues parce que c'est quand même une aventure, un jeu vidéo, maintenant tellement c'est varié, tellement les choix sont infinis, en fait il y a vraiment juste l'imagination qui est la limite. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel, en fait, et apprendre quelque chose de cette aventure, tu vois. Et je trouve qu'Ancestors et Plague Tale, c'est vraiment, ça représente ça, tu vois. Et Death Stranding, c'est pareil, un peu. C'est une sorte de leçon qu'on essaie de t'apprendre, entre guillemets, tu vois. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était trois jeux très très riches qui méritent d'être primés. Et c'est voilà. Lequel ton préféré déjà ? Death Stranding. Donc, oui, numéro 1, c'est Death Stranding. Voilà. Très bien. Et c'est là où on voit qu'on a presque le même goût sur Plague Tale Innocence, mais pas du tout sur le reste. Mais c'est pas grave. On passe donc du coup à mes explications. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet ordre-là pour mon top 3, pour mon Cult & Geek Awards. Jedi Fallen Order. Alors, je l'ai mis dans le top, non pas parce que c'est qu'un jeu Star Wars, ce qui n'aurait visiblement aucun sens et objectif, c'est juste parce que c'est le retour des RPG Star Wars, avec un retour bien réussi tout simplement par Respawn Entertainment. Ils ont réussi à faire renaître un RPG Star Wars. Je l'ai mis en 3ème place et pas en 2 ou en 1, pour une raison simple. c'est qu'après l'avoir fini, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas forcément pris beaucoup de risques niveau scénaristique. Ils sont pas allés bien loin et... Ça aurait pu être mieux. La fin de l'histoire, voilà, est presque décevante. Et même les personnages que l'on peut croiser ne sont pas forcément marquants. Et c'est pas un monde super vivant, quoi. Comme on pouvait croiser, on ne croise pas de marchands, il n'y a pas un système d'équipement. Enfin, je trouve ça un peu pauvre en personnalisation. Il y a quand même des trucs propres au RPG qui ne sont pas. C'est ça, exactement. Et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé dommage qu'ils y aillent pas à fond et qui j'ai l'impression du coup d'avoir un jeu qui est bien, qui est très bien, mais qui est pas fini. Voilà. Et ça m'a un petit peu dérangé lorsque je l'ai fini. Moi j'étais en plus quand je l'ai eu, j'étais en mode ouais ça va être génial, c'est trop bien. Et du coup un petit peu déçu, mais ça reste un excellent jeu Star Wars. Donc du coup pour ça il est dans le top 3 et ça me fait beaucoup de bien d'avoir enfin un bon jeu Star Wars solo dont la campagne dure pas que 4 heures. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'il est à la 3ème place. Total War Three Kingdoms est placé numéro 2 dans mon top 3 pour la simple raison que c'est le premier Total War qui nous amène en Asie et plus précisément en Chine à une époque historique très intéressante de 3 royaumes qui se font la guerre pour le contrôle de la plaine de Chine. J'ai trouvé ça top. Les Total War c'est une valeur sûre si vous aimez les jeux de stratégie et donc du coup rien que pour cette raison eh bien, ça valait bien un numéro 2, surtout que voilà j'avais hésité à le mettre moi perso. Les jeux de stratégie, j'ai regardé des bandes annonces et tout, c'était ça fait rêver quand même. Donc les jeux de stratégie qui se passent en plus en Asie, il n'y en a pas tant que ça. Total War, il fait partie de ces quelques jeux qui arrivent très bien sans partir dans les clichés des ninjas, des machins, des trucs, des bidules. Donc du coup, voilà. Total War, Three Kingdoms, c'était une très bonne surprise. J'adore les jeux de stratégie. Et pour cette raison, il est numéro 2 dans mon classement. A Plague Tale Innocence est numéro 1 dans mon classement parce que tout simplement l'histoire est complètement folle, ça nous vient d'un studio indépendant qui a fait ça, les graphismes sont fous, l'histoire est folle, on est pris tout de suite, les musiques sont remarquables, j'ai regardé que les let's play, je l'ai pas acheté malheureusement, mais rien que les let's play je trouve ça mais magnifique, c'est vraiment un jeu qui nous emmène dans une période sombre de l'histoire du Moyen-Âge et ça je kiffe et j'adore vraiment. Donc Plague Tale Innocence pour toutes les émotions qu'ils arrivent à transmettre, pour l'ambiance, pour l'histoire qui est très riche, numéro 1 pour moi dans mon top. Tout simplement. Tout à fait d'accord avec celui-là, moi, j'avoue. Du coup, Maëlys, tu vas pouvoir nous présenter ces quelques jeux que tu as pris au hasard. J'ai vraiment envie d'entendre tes raisons. Luigi's Mansion, parce que bon, c'est connu, il y a eu une version sur Wii, mais j'avais décidé de ne pas acheter la Wii parce qu'elle ne m'intéressait pas, qu'elle n'était pas belle, qu'elle n'était pas pratique. Et du coup, là, il est ressorti sur Switch. Je me suis dit, ah, peut-être c'est un jeu cool. Voilà. Ensuite, Skellboy. Et il n'y a aucun ordre dans ce que je dis. Toi, tu nous sors un peu les jeux plus famille, alors. Famille ? C'est-à-dire pour jouer en famille ? Je crois pas qu'on puisse jouer à plusieurs sur Mansion. Oui, mais c'est quand même plus convivial que tout ce qu'on vient de dire. Luigi's Mansion, je crois que tu peux jouer à plusieurs. C'est des Nintendo, après tu oui, sais, voilà, c'est, hein, ça, c'est... c'est une catégorie à part. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Après, on a Skellboy. D'accord, présentation. Tu peux au moins nous expliquer le jeu, s'il te plaît. Rapide et efficace. Non, mais c'est très bien. Alors, ils disent sur le site jeuxvideo.com. Merci, jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, on attend un chèque. C'est un jeu d'action-aventure développé par un certain groupe. On incarne un petit bonhomme, un petit squelette qui est revenu à la vie et qui décide de profiter de cette seconde chance. Mais il va falloir faire face, pardon, j'ai failli manger le mot, à de nombreuses créatures. Et j'ai trouvé les images mignonnes un petit peu sur... Comment on appelle ça déjà ? Comme si on avait un papier sur un écran 3D. Ça fait cet effet-là. Je sais pas comment on utilise le vrai terme. C'est un mix de 2D et de 3D et je trouve ça super mignon. D'accord, oui. Voilà. Et j'ai pas envoyé les photos parce que je l'ai trouvé il y a environ 30 minutes. Sans blague, non, on s'était pas rendu compte. Très bien. Et l'autre, Roland, je sais pas quoi, là. Et Roland... C'est la version occidentale de Work and Work, un RPG assez connu au Japon, où on suit les aventures d'un petit groupe de héros qui, on s'en fout. j'aime pas du tout les images, mais j'aimais bien le nom. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Maëlys. De rien. Voilà. Le top le plus aléatoire, quand même. Exactement. Non, mais je suis déçue pour Loé Roland, en fait. Je l'ai choisi au pif et je suis déçue. Alors que l'autre, je vais l'acheter, en fait. Il me plaît bien. Oui, d'accord. Effectivement, Skellige, il a l'air vraiment pas mal. Quoi c'est Skellige, c'est non, Skellboy. Skellboy. Mais t'as essayé, c'est bien. Skellboy, il a l'air vraiment pas mal, au final. Tu nous et les photos sont mignonnes, franchement. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose, pas par rapport au top, mais par rapport à tous les jeux que j'ai pu voir, en fait. Ouais. C'est étonnant. Il y a beaucoup de jeux, genre un peu à la Castlevania, tu ouais. vois, genre un peu en plateforme, oui. En mode tu peux pas te balader, tu vois, genre pas en monde ouvert, quoi. Et je sais pas si c'est une tendance qui revient en ce moment, mais il y a quand même plein de jeux qui étaient un peu dans ce genre-là. Et là, tu vois, entre monde ouvert et plateforme, magnifique, par contre. Je préfère largement plateforme parce que monde ouvert, ça a tendance à me casser les pieds, pour rester poli. Ça dépend le jeu. Essaye ouais. un Tomb Raider sur des plateformes. Non, ça c'est Tomb Raider, ça, sur plateforme, c'est bon. Mais en Ouf. Monde ouvert, tu te fais chier parce que tu dois faire 3 km. Mais justement, t'as toujours des trucs cachés, c'est là que tu obtiens les récompenses, c'est mais le meilleur. Mais j'en ai rien à foutre de l'exploration, je veux jouer, meilleur. Moi. Voilà, on voit quand même la différence de patience et de... et de jeu. Voilà. Non, si non, je voulais faire de la randonnée, j'aurais pris mon sac à dos et je serais parti marcher. On a des profils très différents. On a des profils très différents quand même au sein de l'équipe, hein, c'est fou. Donc voilà, les Culten Geek Awards, vous pourrez voter chaque jour, on mettra le top 3 de chacun. Vous pourrez voter et élire le meilleur jeu dans chaque top 3. Skullboy. Et à la fin... on mettra les top 3. Il y aura un dernier sondage pour savoir lequel des gagnants de chaque top 3 est le grand gagnant Skullboy. Des Culten Geek Awards catégorie jeux vidéo. Merci. J'espère qu'il n'y aura pas Plague Tale qui sera choisi deux fois, du coup. Ah bah, imagine, ce serait con. Bah, si c'est Plague Tale qui est choisi deux fois, du coup, on met que Plague Tale, ça fait une finale, ça fait deux jeux. Ça fait deux jeux. Skullboy. Contre Skullboy, exactement. Merci Maïlis. Donc voilà, vous avez eu l'avis de Culten Geek. N'hésitez pas bien sûr à mettre dans les commentaires votre avis pour vous. Quel est votre top 3 des jeux de l'année 2019? Et puis pendant que vous en débattez, par exemple dans le chat, nous on fait une première pause en musique avant de retrouver les coups de cœur du web et le qu'est que c'est. La première musique, c'est Apollo et Taylor avec le titre Aurora et Talia Aoud dans Culten Geek. Merci d'être avec nous dans Culten Geek. Retour avec tout de suite, bien sûr, les coups de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Culten Geek. On ne pourrait pas décrire ce que je viens de voir. On ne pourrait pas mettre de mots sur l'expression du visage de Maïlis, qui s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de coup de cœur. T'as fait un zoom dessus, j'espère. Non, je n'ai pas fait de zoom. On l'a certainement vu à la caméra. Elle m'a fixé. Et puis elle s'est dit, merde. Depuis quand elle existe, cette rubrique? J'ai pas de coup de cœur. Tu veux qu'on commence? Je vais en inventer un. Renata, tu commences avec le coup de cœur. Quel est-il? Moi, c'est la première bande-annonce de Black Widow. Bien donc, sûr. Voilà, je... Pour ceux qui ne l'auraient pas encore regardé, voilà. Exactement. Donc j'ai toujours adoré le rôle en fait de Black Widow dans les dans le groupe en soi, prévu en plus pour le 1er mai 2020, donc pour le mois de mon anniversaire, ça va être sympa. Et en fait, nous avons vraiment droit comment à... Comment elle cale la date de son anniversaire? Elle l'a pas dit directement. J'ai pas dit la date. Elle est restée souple. Voilà, c'est au mois de mai, puis bon, ouais, bref, donc on a droit quand même à un premier trailer slash teaser de 2 minutes et 11 secondes, qui est très intriguant. Et qui nous réserve sûrement tout le concentré d'action, sacrifice, drame et badass attitude qui est typique des Marvel. Voilà. Bien sûr. Gros résumé. En même temps, Black Widow, quoi. Hein, voilà. Donc, si c'est mais... pas badass et violent, c'est non, pas mais Black voilà, Widow. Ça représente. Enfin, c'est la seule femme du groupe, du coup. Ah, je suis pas d'accord. Non, il y a l'autre qui a rejoint. Y a Captain Marvel. Mais elle est pas vraiment. Dans le groupe pendant leurs aventures. C'est un film qui est sorti à part. Elle est sortie en solo, elle. Ah oui, mais elle a rejoint les Avengers dans le dernier film. Ouais, mais justement, celui-là, il se passe avant. Et c'est pas la polémique. Il se passe après Civil War. Vous êtes en train de faire une polémique sur un coup de cœur. Oui, mais non, mais si, mais oui, mais non. Parce que madame, ce n'est pas votre argument. Bref, celui-là, il se passe très après bien. Civil War. Très bien. Eh bien, Black Widow avec C'est le coup de cœur de Renata. Maëlys, est-ce que tu en as un ou est-ce que tu veux que je présente le mien d'abord? J'en ai un, mais en fait, j'ai pas eu le temps de le voir entièrement puisque tu as décidé de commencer l'émission. D'accord. Mais oui, mais en même temps, on avait 10 minutes de retard déjà. Bon, écoute, je présente le mien le temps que tu lises un petit peu. Ah non, voilà. Je peux pas lire. Non, tu lis pas? Ah non, c'est une vidéo. D'accord. Eh bien, écoute, présente-le nous du coup, ton coup de cœur. Quel est-il? Rapidement. Si tu veux présenter avant, vas-y. Hein, écoute, je fais des politesses de temps en temps. À savoir que Maëlys, là, on le voit pas à l'écran. Enfin, je crois pas qu'on le voit. Mais elle est venue avec un petit panda. Tu crames mes astuces. Oui, voilà, je crame tes astuces, exactement. Est-ce que tu peux montrer le petit panda à la caméra qui... Attends, qu'il regonfle. Est-ce qu'il a une sale tête? Laquelle? La caméra qui est en face de toi. Voilà, c'est un petit panda. Il se fait... Voilà. C'était magnifique. Démonstration wow. Très agréable. Un petit panda qu'on écrase. Très bien. Maëlys, quel est ton coup de cœur? Donc, je présente. C'est le... Ah bon? Oui, j'ai raté le début de la phrase, mais genre, il n'y a rien qui est sorti de... Le film... Respire, voilà. Respire. Oui. Un film qui va sortir, je ne sais pas quand, parce que je n'ai pas eu le temps de terminer pour voir la date à la fin, au cinéma, Black Christmas, et... Oh, je l'ai regardé. J'ai regardé la bande-annonce. Vas-y. J'adore les films d'horreur. J'adore les films de Noël à la période de Noël seulement, je précise, parce que sinon c'est insupportable. Et là, on a un petit mix des deux, horreur et Noël. Et ça a l'air génial. Et ça nique complètement l'esprit de Noël, en fait. Non. C'est pas vraiment dans les paillettes, hein, pour l'avoir vu. Par contre, j'aime beaucoup la vidéo. Non, c'est dans mon What the Fuck, j'aime beaucoup les la paillettes. Vidéo. J'aime beaucoup dans la vidéo parce que la musique qu'ils utilisent, c'est... Carol Bells, je crois, un truc comme ça, en anglais, et franchement, elle est trop bien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de la même chanson de Lindsay Sterling. Donc, elle est très très Black bien, cette adaptation. Christmas, c'est ouais. Le coup de cœur. Je vais essayer de trouver la date pendant que tu bien donnes sûr. Le tien. Mon coup de cœur à moi, c'est le passage à Toulouse de Glory Hammer et Wind Rose. C'est le 29 janvier prochain et enfin, ils passent sur Toulouse. Enfin, ils passent en France. Ils font 4 dates. Il y a Paris, Lyon, Nantes et Toulouse. Et on a la chance d'être dans la ville où ils passent, l'une des villes dans lesquelles ils passent. Alors, si vous ne savez pas ce que chante Glory Hammer, je vous ai quand même préparé 2-3 extraits. Et il n'y a pas que, puisque au métronome à Toulouse, il y aura également Wind Rose et qui chante notamment ça. Vous avez peut-être vu la vidéo. Voilà, ça c'était tu l'avais mon coup de passé cœur. Intégralement aussi une fois. Exactement, il me semble. Exactement, la dernière émission de la saison 3 de Cult & Geek, on était au Level Up avec la team OOB de Airbus. Mais de toute façon, c'est mieux Dropic Murphys, toi c'est nul. Toi tu te calmes, d'accord. Ah non, mais à côté, tu vois, on marque. Alors voilà, on n'a plus de problème puisque Maëlys n'a plus de micro. Est-ce que tu as trouvé la date de sortie de Black Christmas? Je sais pas, t'arrêtes de me couper le micro. Peut-être, on verra. Le 11 décembre. 11 décembre, merci. Ah ouais, bientôt là. Ouais, effectivement, ouais. Bah, c'est la semaine prochaine. Ça sort au cinéma ? Enfin, mercredi. Oui. C'est mercredi prochain, mercredi qui arrive, puisqu'on enregistre ce samedi, mais cette émission ne sera disponible en audio que le lundi soir, bien sûr. Si vous voulez savoir, c'est Universal Pictures. Universal Pictures, très bien. J'ai failli le dire très très à l'envers. Merci Maïlys. G-Wolf étant malade, il n'y aura pas d'actu web cette semaine. Rassurez-vous. Ah, on, pas de misogyne. On fait exactement pas de blague misogyne, mais on espère quand même qu'il se rétablira pour revenir la semaine prochaine avec l'actu web. Yacine étant toujours bloqué au boulot comme d'habitude depuis un mois maintenant, à savoir qu'il est attaché à une chaîne, à son boulot, et donc du coup il ne peut pas partir. Ah, je croyais qu'il faisait la grève de la faim maintenant. Non, non, même chez lui, du coup il ne peut pas rentrer chez lui, il est attaché à son bureau, à son boulot. Du coup, voilà, il ne peut pas partir malheureusement. Donc, il ne peut pas être avec nous. Mais ça ne fait rien. Yacine sera bien sûr de retour très vite aussi. Et ça, je le sais de source sûre pour des petites surprises très sympathiques d'ailleurs, qui vont vous plaire sans doute. En attendant de retrouver la deuxième pause en musique, on va passer au deuxième jeu de cette émission. C'est le Qu'est-ce que c'est ? Il était une fois un homme qui en fait était méchant. Mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Vous venez de découvrir l'émission et je vous explique les règles de ce qu'est que c'est. Le but est simple, résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, un comics, une série, un manga, etc. Et avec maximum 3 indices, l'équipe doit trouver de quoi on parle. Le résumé aujourd'hui, c'est avec toi Renata. Oui, alors... Attends. Elle a pas préparé. Si, si, si. Non, mais tu me prends pourquoi ? C'est écrit. Oh, je sais pas, t'avais l'air stressée. Non. Ah, elle a rien fait. Ouais, c'est bon. Du coup, c'est l'histoire d'une femme. Elle est électrocutée. Elle gagne un super pouvoir que beaucoup jalouseraient. Elle est obligée de se cacher et de vivre comme une criminelle. Jusqu'à ce qu'elle trouve l'amour et que son passé la rattrape. Elle trouvera ainsi le courage d'accepter son destin. Mmh. Alors je cherche un personnage qui a pu se faire électrocuter. Ouais, est-ce que tu peux nous donner le premier indice, s'il te plaît ? Alors attends, elle est en train de les écrire. Non, le premier indice, je l'avais pas écrit. D'accord. Donc du coup, elle est sortie avec le père de son nouvel amour. La Reine des Neiges, voilà. Vas-y, suivant. Deuxième indice. Attends. Si, deuxième indice, alors. Non, mais Rémi n'a pas validé. Tu valides maintenant. Bon, je valide La Reine des Neiges. Je pense que tu l'as pas regardé, Rémi, franchement. D'accord, bah c'est pas ça. Oui. Oh non. Oh, ça alors. Ça, oh. C'est pas La Reine des Neiges. C'est pas comme si Zébaro était mort, qu'elle avait pas trouvé l'amour en plus, mais bon. L'indice numéro 2, son super pouvoir, c'est l'immortalité. Le fait de ne pas vieillir. Tiens, comment elle s'appelle la nana Wonder Woman ? Voilà, vas-y, indice numéro 3. Non. Il n'a toujours pas validé, donc je... Captain je Marvel ? Non. C'est une femme. Bah oui, Captain Marvel, c'est une femme. Ah ! Je suis vachement intéressée par Marvel, tiens. Wow. Pourquoi tu crois qu'il a dit que dans l'équipe, c'était pas la seule femme, Black Widow ? Tout à l'heure. Ah, je pense que tu l'as pas écouté. En fait, ouais, voilà. Ok. Je me souviens pas de ce moment-là. Donc non, c'est pas ça. Très bien. C'est un film moins bien connu, je précise. D'accord. Troisième indice, du coup, s'il te plaît. Blake Lively incarne le personnage principal. C'est qui ? Est-ce que tu sais qui est Blake Lively ? Je vais récupérer Internet. Non. Je peux te montrer sa photo. Regardez une photo. Regardez pas les films qu'elle a fait, d'accord. Mais regardez une photo. Une photo de cette dame qui est sûrement très bien. Vous la connaissez sûrement. Enfin, le rôle le plus connu qu'elle a fait, c'est Gossip Girl. Oh putain, d'accord. Elle a joué le personnage principal dans Instinct de survie. Ouais, non plus. Ah ouais. Je l'ai jamais vue, cette dame. C'est la. Alors, si je me trompe pas, c'est la. C'est elle. C'est l'épouse. Ouais. L'épouse de Ryan Gosling. Non, c'est pas elle. Alors déjà, Ryan Gosling, des fois, j'oublie sa tête. Deadpool. Alors, son épouse. Non, Ryan Deadpool, Gosling, ouais. C'est pas Deadpool. Hein. Alors attends. Ah, bon, alors. C'est Ryan Reynolds, Deadpool. Ah, Ryan Reynolds, pardon, excuse-moi. Mais cette dame ne me dit rien, donc je risque pas de trouver le film. Ouais, c'est ça, pardon. C'est pas Ryan Gosling, c'est Ryan Reynolds, voilà. Son époux. Merci. Voilà. Bah, du coup, j'ignore sa tête à cette dame. Elle est blonde, avec un visage très petit, très fin. Attends. Et bien proportionné. Voilà. Waouh! tu viens de décrire la plupart des actrices quand même. Oui, c'est vrai. Alors attends. Elle a des cheveux longs. Je sais pas si t'arrives à voir. Oui, d'accord. J'arrive à peu près à voir. Est-ce que tu peux montrer à la caméra qui est à côté de toi, s'il te plaît ? Celle-là ? Ouais, celle-là. Elle va le coller sur l'image. colle. Encore plus près. Recule un petit peu. Non, plus près. Ok, c'est bon, on l'a vu. Ah franchement, si vous écoutez cette émission en audio, allez sur la chaîne YouTube, la retrouver, elle est disponible quand elle sort dès le lundi soir à partir de 19h. Allez retrouver juste cet extrait, c'est magique. Renata qui se lève pour vous pointer le visage de l'actrice à la caméra. Bah ouais, enfin, vous la connaissez pas vraiment ? Non. Non, vraiment, je D'accord. sais pas qui c'est. Bah si jamais, allez voir, enfin je parle pas forcément à vous, mais ceux qui nous écoutent, allez voir Instinct de survie, donc c'est, j'en avais déjà parlé dans l'émission, c'est un film où le personnage se fait attaquer par un requin, et elle essaie de survivre. D'accord. Voilà, donc c'est ça elle qui s'appelle Les Dents de la Mer. Est-ce que c'est un truc d'horreur ? Non, pas vraiment, mais il y a quand même thriller, ouais. Ok. Voilà. Du coup, dernière proposition, Maëlys, si tu as une idée, balance. Les Mignons. Je suis sûr que c'est ça. Non, attends, moi chez Méchant 3, je crois qu'il y a une petite électrocution à un moment donné. Non, c'est pas ça. Ça correspond quoi. Le pire, tu vois, c'est que hier je me suis dit, s'ils le connaissent pas mais qu'ils me sortent un autre film, alors je pourrais pas te dire lequel, j'en ai pensé à un autre qui correspondait, tu vois. Je me suis dit, je vais l'accepter. Et. C'était quoi le nom du vrai film ? Mais du coup, il faut nous donner la réponse là maintenant. Oui, bien sûr, c'est The Age of Adeline, du coup. Ou Adeline, tout simplement en français, jamais je crois entendu. Qu'ils ont. Oh putain, ouais, alors celui-là. Pourtant, enfin, quand même. Il aurait fallu. Gigi, il aurait deviné sûrement. Peut-être, ouais, peut-être, je peut-être pense. Peut-être Jean-Loup. Mais enfin, alors, nous, niveau culture cinématographique, moi, à part Marvel et Star Wars, je. Voilà, que, c'est ce que je viens de me dire. Il y a le Seigneur des Anneaux aussi qui rentre donc dedans. Donc, la vraie histoire, donc, c'est une femme qui est née en 1908, qui a eu un accident de voiture en hiver, etc. Il y a toute une explication qui est donnée scientifiquement pour expliquer. Non, justement, elle a été électrocutée par du coup le tonnerre, enfin voilà, et elle a arrêté de vieillir. Elle savait pas pourquoi, et juste elle a remarqué qu'elle elle vieillissait plus. Elle a dû se cacher parce que du coup les autorités, bah, elles ont commencé à l'enquêter sur elle, et du coup bah, elle vivait un peu comme une criminelle, à faire des faux passeports, trouver des faux noms, etc. Et elle avait une fille qui du coup elle, bah, une centaine d'années plus tard, bah, elle est plutôt vieille, tu vois, presque une centaine d'années, je précise. Mais du coup, enfin, le rapport mère-fille est très beau dans ce film, et elle trouve l'amour, comme j'ai dit, et jusqu'à ce qu'elle rencontre le père de celui-ci, qui est un ancien amour à elle, mais enfin quand elle était très jeune, tu vois. Et voilà, et au final elle a de nouveau un accident qui permet à son corps de retrouver voilà, elle était sur pause en fait. Non mais raconter très très brièvement, c'est ça, mais c'est exactement ça, il était juste sur pause en fait. Voilà, ses cellules étaient restées en surpause. Voilà. Bon, peut-être, ça peut être sympa. On va voir. C'est une histoire d'amour, c'est moyen, mais bon. C'est un peu l'esprit de Noël, en fait. Mais c'est plus concentré sur. Enfin, je trouve que le truc le plus intéressant, c'est le rapport mère-fille, comment elles le vivent après, que vraiment le côté amour du truc. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissiez ce film ou pas. Tu peux nous rappeler le titre ? En français, c'est Adeline, tout simplement. Adeline. Donc, c'est son prénom. D'accord. Adeline. Adeline. Adeline, ouais, si tu veux. Voilà. Et le. En le français, truc anglais. Adeline. Non, mais. bref, et le titre anglais, c'est The Age of Adeline. Donc, voilà. L'âge de Adeline. Adeline Bowman. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Renata, on n'a pas trouvé, donc c'est toi qui remporte le qui que c'est. On fait une dernière pause en musique avant de retrouver bien sûr l'instant nippon, le what the fuck de la semaine et le top ou flop bien sûr. Juste avant, voici Spectrem avec le titre Shine. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining. We'll be right back. Rem avec le titre Shine dans Culte & Geek. Merci d'être avec nous et on passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Culte & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission et pour cela, eh bien, je suis allé sur Sens Critique où j'oppose deux noms de films, de comics, de mangas, de youtubeurs, de jeux vidéo, de séries, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop par rapport à l'autre, c'est-à-dire lequel est le mieux noté ou le moins bien noté par rapport à son adversaire. Est-ce que tout le monde est prêt ? Fatigué. Fatigué, très bien. Eh bien, c'est parti. Dans ce cas-là, top ou flop, entre Ad Astra et Interstellar, lequel est top ? Qui sont deux films de qui se passent dans l'espace. Ouais, sans blague. Bah, je vais dire Interstellar. Oh, j'allais dire. Bon, bah, on est deux. Ad Astra est noté à 6,8. Je connais pas ton Ad Astra. Interstellar, 7,8. C'est donc effectivement Interstellar qui est top. Lequel est flop entre Tchernobyl ou L'Effondrement, qui sont deux mini-séries, c'est-à-dire qui comportent moins de 10 épisodes et qui font... C'est bien de préciser. Grande longueur, voilà. Je vais dire le deuxième. Le deuxième, L'Effondrement ? Mm. Très bien. Bon, je vais faire Tchernobyl pour échanger. Très bien. Tchernobyl noté à 8,5. L'Effondrement, 7,6. C'est donc L'Effondrement qui est flop. On a 2 points pour Renata, 1 point pour Maëlys. Lequel est top entre ces deux jeux vidéo, Journée ou Abzu ? Et les deux, c'est de la merde, de toute façon. Oui, les deux, c'est... Enfin, pour ceux qui aiment pas les jeux contemplatifs, c'est de la merde. Mais pour ceux qui aiment beaucoup les jeux contemplatifs où on se fait chier... J'aime bien, t'as pris une position de façon très naturelle et... Ah merde, merde, non, non, non, ça dépend des goûts. Oui, non, mais c'est... Bah, il essaye de rattraper son truc. C'est pas le genre de jeu qui me plaît, effectivement. Ouais, sans blague. Voilà. Et moi non plus, et pourtant j'ai essayé. Je me suis dit, vas-y, ça se trouve, c'est bien. J'ai acheté, non, je le revends dans la journée. On avait compris que tu n'étais pas du genre très patient dans les jeux de base. Je suis pas là pour faire de l'exploration, bordel de merde. C'est le top, c'est ça ? Lequel est top, effectivement ? Très bien, je vais dire Journey alors. Journey. Mm. Tu peux le dire en français, s'il te plaît. Je me sens humilié quand tu le dis en anglais. Journée ? Voilà, merci. Journée. Eh ben, Abzu. Abzu. Journée notée à 8,1, Abzu 7,2, c'est donc Journée qui est top. Donc, pour l'instant, ça reste logique. Hein, on a 3 points pour Renata. Par rapport à quel point c'est connu, les trucs. Ouais, c'est le plus connu qui marche. Ouais. C'est normal. Et on va terminer avec lequel est top entre ces youtubeurs. Mastu, Amixem, Neoxy, Joyka, Cyril MP4, anciennement Super Connard. Encore une fois, je vais faire par préférence personnelle. Et là, du coup, je me retrouve très embêtée parce que entre Cyril et Amixem. Lequel est top ? Tu peux répéter les noms ? Oui. Mastu, Amixem, Neoxy, Joyka ou Cyril MP4 ? Bah, le dernier. T'as choisi beaucoup de noms en de top, la Redbox, hein. Quand même. Oui, c'est fait exprès. En top, hein ? En top. Mm. Alors, allez, bah du coup, vu qu'elle a pris Cyril, je vais prendre Amixem. Très bien. Mais je pense que j'aurais pris Cyril aussi. Mastu est noté à 5,6. Mm. Amixem, 5 tout pile. Tu vois. Oh, sérieux ? Neoxy, 3,7. Sérieux ? Cyril MP4, wow. 4,5. Et Joyka, 5,8. C'est Joyka qui est top. Sûrement parce qu'il fait de la musique en même temps. Je pense qu'il doit participer. Il doit y avoir ça, effectivement, parce que c'est anciennement U-Tunes. Voilà. Ouais. Ouais. Avec quelques titres avec Boosty. Disney. Je suis pas très fan de ces blagues. De Disney. Bon, c'est un J'aimais style. Beaucoup avant, mais maintenant je suis. Je trouve que c'est un peu trop calme, tu vois. Ça bouge pas assez. Il y a pas assez d'entrain, tu vois. Ouais, ça dépend. Ça dépend les vidéos, j'ai envie de te dire. Moi, je suis surpris avec la note de Neoxy. Moi aussi, quand même, parce que c'est 3, c'est terrible. J'aime surtout beaucoup sa série de vidéos. Il fait des maisons en Lego. En Lego géant. Je trouve ça trop bien. C'est vraiment un rêve de gosse. Ouais, c'est original. Le top ou flop, n'hésitez pas à réagir, bien sûr, dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et puis tout de suite, l'instant nippon. C'est avec toi, Renata. C'est l'instant Nippon dans Culte & Geek. Et le moment où on envoie l'instant nippon, il y a actuellement du soleil qui sort et les rayons illuminent le studio. C'est le soleil. Que c'est beau. Par contre, il n'y a pas G-Wolf pour faire sa pause de l'instant nippon, c'est mieux. Je te le fais si tu veux. Vas-y, Maïlis le fait. Notre cascadeuse professionnelle. Elle donne de sa personne pour Cultan Geek. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, donc, tu avais donné une idée de sujet, donc justement, je suis en train de l'exploiter. Donc, par rapport au Festival des Lanternes. C'est illégal, hein. D'exploiter les choses, c'est illégal. Mais elle m'a donné son autorisation. Non, c'est illégal. J'ai fait une autorisation écrite, donc tu peux fermer et voilà. Voilà. Très précisément. Je l'ai donc, dit de façon polie, hein. Pour ceux qui vivent dans le sud, dans le Tarn, etc., enfin, dans le Tarn plus précisément, il y a le Festival des Lanternes à Gaillac qui est magnifique. Franchement, j'ai regardé des photos. Je savais pas du tout que ça existait, donc je pense que je vais aller. C'est la troisième année. Non, mais voilà, j'ai vu. Dommage parce que c'est beau. Hein. Mais ouais, justement. J'ai pas vu. Mais je pense que je vais aller faire le tour jusque là-bas. Par contre, moi. Je vous donne juste un petit conseil. Essayez soit d'y aller très tôt pour avoir être sûr de rentrer, soit y aller pas du tout. Ouais. Parce qu'il y a énormément de monde et c'est très dur d'y rentrer. Et donc, c'est pas une blague, c'est t'as la file d'attente qui continue sur plusieurs rues. Ouais. Donc c'est bizarre. Tu te dis ok, c'est d'accord, j'y suis pour 3 heures d'attente et 1 heure de. Effectivement. Voilà. Le Vas-y. Conseil est sorti. Du coup, les dates, c'est du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020. Donc ça laisse un petit peu de temps de se trouver un créneau. Il y a des temples, des fleurs de lotus, des scènes de vie chinoises que je trouve très originales d'ailleurs. Je pense que même là, c'est véridiquement historique, on va dire ça comme ça. Des représentations lumineuses d'illustres bâtiments et de personnages aussi, qui bougent en plus un petit peu, donc c'est assez marrant. Et fleurs magnifiques en jardin, des pandas, enfin il y a vraiment de tout pour plaire à tout le monde, que ce soit petit ou grand, enfin vraiment c'est très très beau. Ce qui m'a plus marqué, c'est une danseuse, enfin très majestueuse, qui a un moment qui tourne sur elle-même, c'est vraiment très très beau. Et nombreux sont ceux à faire le déplacement en plus, genre pour voir juste d'où la file d'attente, voilà. Ouais. Et pour ceux qui veulent continuer après, il y a un marché de Noël pas loin à Gaillac, donc voilà, ça fait plaisir. Très rapidement les prix. Pour adultes, c'est 16€ pour le daté, donc c'est on choisit le jour où on y va. L'enfant, c'est gratuit dans tous les cas, et les ados, c'est 13€. Si c'est pas daté, c'est 20€ et 15€ respectivement. Ils ont réduit les prix. Ouais, effectivement. Une fois, voilà. J'avais pris le billet, je me suis dit, ouais, j'y vais 35€, je crois que j'ai payé. Et puis, j'ai jamais pu y aller, mais. T'as pris le pass peut-être ? Parce qu'il y a des passes adultes et ados. Le pass adulte, pour du coup, tu y vas quand tu veux, entre guillemets, c'est 45€. Et le pass ado, c'est 35€. Ça doit être ça, ouais. Je pense. Du coup, je sais pas trop si ça a vraiment fluctué, mais en tout cas, j'ai pris. Oh, c'était j'ai la toute première année, moi. Voilà, j'ai regardé les photos, c'est magnifique. Donc voilà, je vous conseille. Et je fais donc la transition avec le Festival des Lanternes au Japon, qui est lui aussi inspiré de la culture chinoise. C'est d'ailleurs les populations chinoises qui l'ont créé à la base pour fêter le Nouvel An chinois. D'accord. Voilà, et en fait, ça a tellement fait fureur. Parmi les Japonais. Sans surtout, mauvais jeu de mots avec la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Tout à fait. Surtout à Nagasaki, que en fait maintenant. Non mais voilà, surtout que maintenant c'est un événement incontournable de la région. Vraiment. Je vois qu'il est en train de mourir derrière la vitre. Tu en peux plus. Je suis désolé, il fait fureur, surtout à Nagasaki. Enfin, voilà, il y a. Ce n'était pas une blague, mais, oui, mais c'est mais... une blague que tu aurais pu sortir, toi. Mais c'est quand même assez drôle. Pardon. Voilà. Non, mais c'est une expression, c'est une expression. Et on sait pourquoi c'est illuminé, c'est parce que c'est radioactif, bien sûr. Pardon. Tu as d'autres sujets à nous parler. C'est moi. Non, je vais expliquer un peu quand même ce qu'on y trouve. Ah. Donc, plus de 15 Est-ce 000... Est-ce que tu as des jeux de mots probables ? Non. Ouais, non. C'est va. Fini les jeux de mots, là. C'est fini les jeux de mots. Donc, plus de 15 000 lanternes géantes qui sont allumées dans les rues pour l'occasion, pour décoration, pour l'illuminer, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de lampadaire ni rien. C'est vraiment juste à la lumière des lanternes que les gens se baladent et les gens découvrent un peu. Les décorations sont également en couleur de la Chine. Donc, ça ressemble un petit peu quand même à ce qu'on peut retrouver à Gaillac. Donc, je trouve que c'est très original. C'est un peu de la culture du Japon, de l'Asie qui vient en France. On y trouve de tout, danse rituelle, et symbolique chinoise, feux d'artifice somptueux, vraiment très très beau, des parades en l'honneur de la déesse Mazu, protectrice des marins, ou de l'empereur, et des concerts de musique traditionnelle. Et on peut voir, d'ailleurs, toi qui es très fan un peu de films d'animation et tout, bah, dans Réponse, on voit un peu cette histoire de lanterne dans le ciel, etc. il y a une sorte de lancer de lanterne à un moment, et ça ressemblait un peu, ça ressemble un peu à ça dans certaines fêtes des lanternes. Ils lancent comme ça les lanternes. Une année, on avait cette tradition aussi dans ma famille de prendre ces lanternes en papier, tu les allumes, t'attends un peu et tu les lâches. Voilà, voilà. Et c'est vraiment magnifique quand il y a toute une ville qui le fait, par exemple, parce que du coup, t'en as des milliers dans le ciel. Oh, c'est pas très, pareil, très beau. Oui, que 15 clampins tout mais... seul dans une campagne. Non, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est très très beau, tu vois, quand c'est, tout le monde s'y met, que ça devrait vraiment un rituel, on va dire. Donc voilà. Les fêtes des lanternes. Et je pense que la semaine prochaine, je vais parler des sectes au Japon. J'ai commencé à lire un peu à ce sujet et c'est assez passionnant. Donc je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Très bien. Eh ben, écoute, on a hâte d'entendre tout ça sur les sectes japonaises. Et puis avant de partir dans cet univers froid et peut-être morbide des Yakuza, nous allons partir. Ah non, mais ça, c'est pas une secte, ça. Ah bon, c'est pas une secte. Je parle vraiment de sectes religieuses. Je parle pas de mafia ou des choses comme ça. Non, on non, parle non. pas de secte, on parle de secte. Bah, du coup j'ai deux sujets potentiels. Alors, j'ai les Yakuza et. Ah, et les sectes. Ça va ensemble. Oui, on verra ce que je fais. Ça se marie bien, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Le what the fuck de la semaine, c'est tout de suite. C'est la dernière rubrique de cette émission. Et c'est avec toi, Maïlys. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le what the fuck de la semaine, Maïlys, qu'est-ce que tu nous rapportes comme information totalement décalée? J'ai du mal à démarrer aujourd'hui. Alors, on parlait de paillettes. Une fois, on avait discuté de paillettes, de pilules à paillettes qu'on avalait et que ça faisait faire des caca différents. Oui, et des caca pailletés. Et ça sort sur le marché en France aussi. Ça y est, enfin. Ensuite, on a une tendance avec des paillettes. Oui, j'ai prévenu qu'il y aurait des paillettes. Alors, juste une petite question avant que tu passes à la deuxième info. La première, quelles sont les variétés? Alors bleu, rouge, doré, rose. C'est juste des couleurs. Ah oui. Bleu, rouge, doré, d'accord, très bien. On dirait une truc de Pokémon, c'est genre. D'accord, c'est très bien. C'est caca rouge, caca doré, caca bleu. Je trouve, j'arrive pas à trouver l'utilité. C'est vraiment juste pour rigoler. C'est pour faire un Noël. Voilà. C'est... Noël aux toilettes. Ouais. Même dans tes toilettes. Il y a des Noël. Gens qui ont des maladies wow. qui sont aux toilettes. Bah, eux aussi font Noël. Voilà, c'est ça. C'est cool. Très bien. On sait rien. On a aussi une nouvelle tendance à base de paillettes où on va dessiner des boules de Noël sur les fesses avec plein de paillettes. Attends, quoi? On va dessiner des boules de Noël sur les fesses. Avec des paillettes. Sur ses fesses à nous ou sur les fesses des autres? Des autres, on j'espère. S'en fout, le but c'est la déco quoi. D'accord, donc en fait les fesses ça fait. Et après tu te balades fesses à l'air. Ouais, j'allais le dire, tu te mets devant le sapin et t'attends. Et oh, tu manges les pilules. Wow. Comme ça quand tu pètes ça fait Disney. On vous a déjà parlé de licorne. Oh mon dieu. Tu vas sur quel genre de site toi pour trouver des trucs comme ça? En vrai, je sais pas comment je fais. Je vais y arriver sur Facebook ou des trucs comme ça et ça marche super bien. Tu suis des pages bizarres toi? Ah non, je les suis pas, c'est assez propice. Ils savent très bien que. Moi aussi, je vais sur Facebook des fois pour trouver des sujets, des coups de cœur, mais bon, je trouve pas ça moi. Je trouve pas ça moi dans mes suggestions. Ah, c'est parce que t'as pas le même réseau. Ah, je pense, ouais. Toujours sur le style de Noël, mais pas tout à fait pareil. C'est pas un vrai what the fuck, mais j'ai trouvé ça super mignon. La tendance, cette fois, pour les cheveux. Où on va se colorer les cheveux en fonction des couleurs de son sapin de Noël. Vert, rouge, etc. Ouais, et après, tu te mets sur le sapin de Noël. Avec la boule avec... et la pilule. Et du coup, en janvier, ça se passe comment? Parce qu'une fois que Noël est passé... En tranche dans un carton. Pour l'année prochaine. Non, mais on est d'accord. Et dernier what the fuck, mais j'ai peur de te le voler si tu souhaites en parler un moment. Celui non, que je t'ai montré, ça te va? Non, vas-y. Alors, en avril, le Japon... Je me souviens plus de la ville exactement, donc je vais un petit peu combler le temps de retrouver le nom de la ville, parce que voyez-vous, la ville est quand même un peu éloignée. De... Voilà, au Kawasaki, je vais y arriver. Ouais. À Kawasaki, c'est au une Japon. Bonne marque de voiture. Non, mais la ville, au Japon. On a une fête qui se passe le premier dimanche d'avril où ils vont fêter la fertilité, mais sous forme de, bah, du coup, du pénis, quoi. Ah oui, mais c'est je sais pas si c'est pénis. Très clair. Voilà, mais en vrai, c'est la fertilité. D'accord. Et c'est ressorti comme ça. Donc tu manges des bonbons comme ça, tu fais des sculptures comme ça, tu as des lampes comme ça, t'as des tonnes de trucs. C'est quand même génial le Japon. Ah non, et à la non fin, je trouve que c'est terrible. Et à la fin, ils déposent toutes les offrandes, on va dire, du coup, devant un temple. Ils déposent tous les pénis. Puis avant, c'était les prostituées qui allaient le visiter pour éviter d'attraper des maladies. Et maintenant, bah, c'est juste pour avoir un mariage heureux, avoir des enfants, etc. Voilà. D'accord. Mais je croyais que la fertilité là-bas, c'était pas très genre natalité, tout ça, c'était pas foufou quoi. Mais c'est parce qu'ils obligent à ne pas avoir beaucoup d'enfants. Au Japon ? Oui, il me semble que là-bas non, aussi. C'était en Chine, c'est où il y avait Chine, la politique ça. De. Ils sont pas bloqués à. Mais là-bas, ils sont pas bloqués à 3, un truc non, comme ça. Non, c'est juste que c'est la natalité, effectivement, et au Japon, est pas top, mais ouais. C'est juste parce qu'ils sont. Comme ils sont à fond dans le travail, ils pensent pas à se reproduire. Oui, et ils ont même des difficultés à trouver un couple. Oui, un petit peu plus. J'ai vu des trucs comme ça, ouais. C'est même le gouvernement qui met de l'argent pour réussir à trouver un couple. Enfin. Ouais. Voilà. Ouais, non mais Tinder chez eux c'est terrible. C'est tout un business. Exactement. À mon avis, ça doit très bien marcher là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Hein. Parce que maintenant qu'il n'y a plus les mariages arrangés, en fait, bah. C'est difficile. Ouais. Mais c'est une tendance qui continue de prospérer en Chine, ça par contre. Genre parmi l'élite chinoise, les mariages arrangés et tout. Bah tu nous en parleras une fois. Oui, bah ça fait beaucoup de sujets par contre là. Et voilà, c'est bouclé jusqu'à fin janvier 2020. Au moins, pour l'instant voilà, on y pour prend. Moi. Et bien merci beaucoup Maëlys, oui, du coup, rien. Pour tous ces what the fuck. Et puis, fait rare mais quand même assez important pour être souligné, ça fait moins d'une heure qu'on est ensemble actuellement. Et donc du coup on va vous laisser profiter du reste de votre soirée. Comment allez-vous combler les 30 prochaines minutes? On veut le savoir, parce que d'habitude Culten Geek tourne plus autour de 1h20. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez comblé les 30 minutes juste après la fin de l'émission. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct depuis le Twitch de Culten Geek. Vous nous retrouvez chaque samedi de 11h30 jusqu'à midi et demi. Et puis bien sûr, on se retrouve nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, Insta et Twitch. Merci à nos diffuseurs qui sont très nombreux. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Matane. Salut.